C'est pas c'est quoi les pop, puis t'essayes de me vendre ton stock. Moi je sais pas c'est quoi ton fuck. Dans ma shop on move no short. Quand que ça pète sur un track, puis que le monde jump comme back. Je me présente THP, puis joue la game en tabarnak. Non, c'est pas game over. Dans ma job où je fais de l'over, prends-moi pas pour un loser. Appelle mes rhymes les bulldozers. C'est type solo, je prends le mic comme le fing à Han Solo. C'est Sorel dans ton tape, négro. Je fuck tout ce qui fight pour avoir du fucking respect. Si tu te reconnais, c'est sûrement que le cash fait. Quand je roule, c'est moi qui like. Quand je rap, c'est pas du bail. Si tu veux savoir, je t'accueille les vols. Ben allume ta fucking light. Game over. Si t'essayes de me shifter, t'es mieux de changer de jeu. Game over. Si t'essayes de me traquer, t'es mieux de coller les bœufs. C'est plus en plus fucky, veux-tu bien me dire à quoi tu joues? Ça sert à quoi à se faire des sous dans une job qui vaut pas le coup? 6h du mat, café crème, faut que tu partes. Moi je me lève avec mon bat, si l'eau pique pis un autre track. Moi je suis là, je suis présent, pis j'ai pas besoin d'être fréquent. J'avance pas en me pressant, c'est pour ça que je suis pesant. Quand que je kick pis je suis content, ça fait bien plus qu'une tonne d'argent. Mais je sais que j'ai pas de com, mais que je suis riche en sacrament. Game over. Si t'essayes de me shifter, t'es mieux de changer de jeu. Game over. Si t'essayes de me plaquer, t'es mieux de coller les bœufs. Là je suis prête pour le portrait, je parle des nightclubs, des groupies. Je suis pas style de Yuppie qui court des maladies. Pour les trucs qui veulent mon dick, c'est pas parce que je rappe en public que je suis plus fat que Maniac ou que Kill qui vend des sneaks. Puis tous ceux qui le pensaient, mais dis-moi est-ce qu'on se connaît? Qu'est-ce qui dit que je suis pas mauvais puis que j'ai besoin d'un autre panier? J'ai du pot dans mes poches, comme ça la partie est moins poche. Puis tous ceux qui veulent m'avoir, ben allume ton fucking boss. Game over. Si t'essayes de me shifter, t'es mieux de changer de jeu. Game over. Si t'essayes de me traquer, t'es mieux de coller les bœufs. Hey, what's up, Tim, man? Dédicace spéciale de Junior X. What up, y'all? Boom Rush Production, dans ta face. Oh yeah, bon, c'est HIV. Sorel représente, man.